Vous écoutez? La croche-oreille. Alors, salut tout le monde, bienvenue à La Croche-Oreille, une aventure sonore diffusée sur les ondes de CKRL 89.1 et sur la toile à ckrl.qc.ca, en tout lieu sur la planète ou presque. Gaëtan Gosselin, microphone, heureux de vous retrouver ce soir. Soirée sans pareil pour les uns, soirée de routine pour les autres. En tout cas, pour profiter de ce temps suspendu, eh bien, je vous propose dans la prochaine heure des créations sonores et des musiques merveilleuses, oui, que j'ai regroupées simplement pour vous donner du plaisir à l'écoute. Et je débute ça avec une très belle production qui a pour titre « À la bec ». C'est un projet co-réalisé par Delphine Dora et le duo « Le fruit vert », un duo animé par Andrea Jane Cornell et Marie-Douce Saint-Jacques. Eh bien, ce projet « À la bec », réalisé dans le cadre d'une résidence d'artistes en Suisse en juillet 2019, c'est le fruit de conversations passionnées. « À la bec » est une trame sonore composée de sketchs, d'expérimentation musicale et d'improvisation. C'est aussi, pour reprendre les termes des créatrices, un projet qui marque le début d'une amitié, cristallisant une collaboration débutée à distance quelques mois plus tôt, lorsque Delphine Dora avait invité Le Fruit Vert à composer les arrangements pour un projet intitulé L'Inatteignable, un projet qui fera l'objet de la seconde partie d'émission, pour vous dire qu'il y a un peu comme un effet domino dans cette programmation ce soir. Alors voilà, je souligne en terminant que le projet À la bec est accompagné d'un livret de 12 pages, s'apparentant à un jeu de collage, tout ça conçu et imprimé sur risographie par Marie-Douce Saint-Jacques. Alors voilà, sans plus tarder, on écoute un enchaînement de pièces tirées du projet À la bec de Andrea Jane Cornell, Delphine Dora et Marie-Douce Saint-Jacques. Thank you. Alors voilà, vous écoutez La Croche-Oreille, une aventure sonore sur CKRL. Elle écoute à l'instant un projet réalisé par Andrea Jane Cornell, Delphine Dora et Marie-Douce Saint-Jacques, intitulé À la Bec. Alors on poursuit l'écoute. Thank you. Et bien voilà ce qui complète la première demi de l'émission avec ce beau projet de création intitulé « À la Bec », co-création de Andrea Jane Cornell, Delphine Dora et Marie-Douce Saint-Jacques. Restez des nôtres, on poursuit ça après un bref battement promo. Vous écoutez La Croche-Oreille. On est de retour, vous écoutez La Croche-Oreille sur les ondes de CKRL 89.1. Comme je le soulignais en début d'émission, ce soir, je vous propose des créations inspirées, des créations qui m'ont donné, du plaisir à la première écoute et que je souhaitais vous faire partager en cette dernière journée de l'année 2023. Histoire de finir ça un peu inspiré avec des musiques inspirantes. Et de l'inspiration, elle n'en manque pas, Delphine Dora, une musicienne, improvisatrice et compositrice que j'ai découvert par l'entremise de l'ensemble Le Fruit Vert. Delphine Dora est une artiste qui vit et travaille en France. On raconte que ses œuvres iconoclastes nous dévoilent une cartographie de l'intime basée sur une approche intuitive de la composition. Elle développe depuis une dizaine d'années un univers musical en perpétuelle métamorphose, situé, dit-on, au carrefour de différents genres musicaux. Je vous présente ce soir des extraits d'un beau projet intitulé « L'inatteigible ». C'est un projet qui réunit de nombreux créateurs, créatrices et interprètes, dont Andrea Jane Cornell et Marie-Douce Saint-Jacques. « L'inatteigible » est une épopée fantomatique, raconte la journaliste Sophie Chartier du Devoir, une œuvre qui évoque une spiritualité éthérée, bien ancrée dans un passé à la fois païen et gothique. Demi-incantation, les mots de Dora sont faits d'une poésie de mystère et d'émerveillement, vous allez voir. Je vous propose donc un enchaînement de créations tirées de ce magnifique album de Delphine Dora intitulé « L'inatteigible ». De la déroute dans un état de faiblesse et te perçois dans l'insondable de nos balbutiements et de nos hésitations, secret qui se laisse à l'inconnu que je cherche, à travers qui se dévoile ce double que j'ignore. Impossible désir gravitationnel se liquéfie dans un espace instant, m'a fait danser sur un fil de mon élan, déchiré à mon suétude. Réel intangible pénétrant une lame voilant l'inconnaissance. Mon cœur est rempli d'immensité, m'absorbant dans le champ invisible où un rien m'attire. Mes âges et les circes te connaître, pour m'affranchir de mes illusions qui flottent dans ma tête. De mon envol vient inaugurer l'idée d'une vie plus haute qui renaît, et loin du tourment la lassitude qui espère. Silence, l'horizon inconnu, le bandit de ses rêves encore chauds de plaisir. Peut-être elle va mourir. une eau durée disjointe. Nous tenons à l'écart, on advient, l'emprise furtive, saisissement illusoire, parasitisme, le langage se résorbe nu. D'affrontement sourd, en fragmentation, hésitation éparse, rebond insaisissable, s'enlise dans un feutre invisible, où la vacuité se mêle. Je me disloque de l'usure, qui avance, insensé illusoire. Trop longtemps, je me suis tue devant l'éloignement du passé s'écoulant face au champ des possibles. Sans fulgurance, acquitté de mes gestes, de quoi sont faites les pensées, étranges agrégats qui miroitent et se reflètent à la surface, devant l'incomplétude et l'univers vaste, face à la complexité du passé à l'avenir. Je demeure impassible où ma quête demeure vaine. Thank you.

Alors voilà ce qui complète l'émission pour ce soir en compagnie des créatrices sonores et musiciennes Andrea Jane Cornell, Delphine Dora et Marie-Douce Saint-Jacques. Grand merci aux artistes de nous avoir permis l'écoute de leurs œuvres que vous retrouverez sur de nombreuses plateformes numériques. Cela dit, vous trouverez la liste des pièces entendues ce soir sur le site Lacroche-Oreille, ainsi que toutes les émissions diffusées jusqu'à maintenant pour écoute quand ça vous tente. Alors voilà, je vous donne rendez-vous dimanche prochain, 21h, pour une autre aventure sonore. Une très belle année qui s'amorce, je vous la souhaite. Depuis les studios de CKRL, au microphone, c'est Gaëtan Gosselin qui vous salue. L'horizon dépassa au-delà de l'eau.